sun come up, it was blue and gold. The sun come up, it was blue and gold. Sun come up, it was blue and gold. Ever since I put your picture in frame, I come calling in my Sunday best. I come calling in my Sunday best. I come calling in my Sunday best. Ever since I put your picture in frame. Ever since I put your picture in frame. Oh, picture in frame. Merci. Excuse-moi. En fait, j'allais juste vous dire qu'entre les morceaux, vous pouvez parler, ça ne nous dérange pas. Surtout lui. Cette prochaine chanson a été écrite entre Memphis et Chicago. Entre les deux. Entre les deux, dans un bus. Il faisait super froid. Et il y avait beaucoup, mais vraiment beaucoup de rien.